The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Tuberculosis. La tuberculose. To abandon. Abandonner. Convent. Le couvent. Sewing. La couture. Nun. La religieuse. Studio. L'atelier. Socialite. Le mondain. Couture. La haute couture. Recognition. La consécration. To go very fast and come together. S'enchaîner. Suit. Le tailleur. Costume jewelry. Le bijou fantasy. Designer. La créatrice. Timeless chic. Le chic indémodable. Now, a bit faster. To go very fast and come together. S'enchaîner. Costume jewelry. Le bijou fantasy. Socialite. Le mondain. Tuberculosis. La tuberculose. To go very fast and come together. S'enchaîner. Tuberculosis. La tuberculose. Costume jewelry. Le bijou fantasy. Suit. Le tailleur. Socialite. Le mondain. Sewing. La couture. Socialite. Le mondain. Tuberculosis. La tuberculose. Nun. La religieuse. Timeless chic. Le chic indémodable. Suit. Le tailleur. Tuberculosis. La tuberculose. To abandon. Abandonner. Socialite. Le mondain. Couture. La haute couture. Costume jewelry. Le bijou fantaisie. Tuberculosis. La tuberculose. Recognition. La consécration. To abandon. Abandonner. Studio. L'atelier. Timeless chic. Le chic indémodable. Suit. Le tailleur. Convent. Le couvent. Studio. L'atelier. Now, use the words in context. Le couvent. Her parents are threatening to send her to a convent if she doesn't change her behavior. Ses parents menacent de l'envoyer dans un couvent si elle ne change pas de comportement. L'atelier. His studio had to temporarily close for renovations. Son atelier a dû momentanément fermer pour cause de rénovation. Le mondain. Associating with high society allowed her to integrate into the Russian court. Elle fréquenta les mondaines, ce qui lui permit plus tard d'intégrer la cour de Russie. La consécration. It was 2 decades before that photographer received recognition. 2 décennies plus tard, ce fut la consécration pour ce photographe. S'enchaîner. Everything came together and happened so fast. They met each other, formed a band, found an agent, and released their first album. Tout s'est enchaîné très vite. Ils se sont rencontrés, ont formé un groupe, ont trouvé un agent et ont sorti leur premier album. Le couvent. Her parents are threatening to send her to a convent if she doesn't change her behavior. Ses parents menacent de l'envoyer dans un couvent si elle ne change pas de comportement. Le mondain. Associating with high society allowed her to integrate into the Russian court. Elle fréquenta les mondaines, ce qui lui permit plus tard d'intégrer la cour de Russie. S'enchaîner. Everything came together and happened so fast. They met each other, formed a band, found an agent and released their first album.